stand, comme nous sommes toujours debout and the keyboard is on, et que la synthé joue, I want to read the Bible, je voudrais lire la Bible and read, et lire. Don't worry, I'm going to read it loud. Nous allons le lire très fort. I'm going to read from the book of Matthew. Nous allons lire dans le livre de Matthieu. I'm going to read it very loud. Je vais le lire assez fort. Alleluia. The book of Matthew. Le livre de Matthieu. Chapter 21. Chapitre 21. Chapter 20, we begin from there. Nous commençons à partir du chapitre 20. And I'm reading verses 29 on. Je lirai à partir du verset 29 de plus bas. We begin from chapter 20, precious people. On va commencer à partir du chapitre 20. 20, 29. Chapitre 20, verset 29. And he says, as Jesus and his disciples were leaving Jericho. Et répondit, lorsqu'ils sortaient de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. A large crowd followed him. Une grande foule suivit Jésus. Two blind men were sitting by the roadside, and they heard that Jesus was going by. They shouted, Lord, Son of David, have mercy on us. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. The crowd rebuked them and told them to be quiet, but they shouted all the louder, Lord, Son of David, have mercy on us. La foule les reprenait pour les faire taire, mais il cria plus fort, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Verse 32. Verset 32. Jesus stopped and called them. What do you want me to do for you? Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Again, Jesus stopped and called them. What do you want me to do for you? He asked. Une fois de plus, Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je vous fasse? Lord, they answered, we want our sight. Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Jesus had compassion on them and touched their eyes. Immediately they received their sight and followed him. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Hallelujah. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. These blind men, ces aveugles, could not see. Ne pouvaient pas voir. They were blind. Qu'ils étaient aveugles. But they heard that Jesus was passing by. Mais ils ont entendu que Jésus passait par là. And when they heard that Jesus was passing by, et quand ils ont entendu que Jésus passait par là, they cried out to Jesus of Nazareth. Ils ont crié à Jésus de Nazareth. They asked for mercy. Et ils ont demandé pour la pitié. But Jesus asked them. Mais Jésus leur demanda. He asked them as to what he would do for them. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Jesus was aware. Jésus était conscient. Jesus was aware. Jésus était conscient. Jesus was aware, Jésus était conscient, that these men were blind, que ces hommes étaient aveugles, but he still had to ask them, mais il devait quand même leur demander, what do you want me to do for you? Que voulez-vous que je vous fasse? Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. It does not matter what you may be going through. Cela importe peu ce que vous traversez. But what matters? Mais ce qui importe is the faith that you will have in Jesus of Nazareth. C'est la foi que vous aurez en Jésus de Nazareth. And if you will ask him, et si vous lui demandez, whatever it is that you have been going through, quel que soit le problème que vous expérimentez, whatever it is that you are going through now, whether disease, whether it's job related or you curses or it doesn't, marriage, alcoholism, pornography, it doesn't matter. Quel que soit le problème que vous avez, que ce soit l'alcoolisme, la pornographie, quel que soit le problème. Whether your sight cannot see well, ou que vous n'ayez pas une bonne vision, he is able to heal you today here. Il est capable de vous guérir aujourd'hui ici. And he is asking you, et il vous demande, what do you want me to do for you? Que voulez-vous que je vous fasse? It is that answer you give back to Jesus. C'est la réponse que vous donnerez à Jésus. That will determine your healing, precious people. Qui va déterminer votre guérison, bien-aimé. I want to read one more here. Je voudrais lire encore un autre passage. And then we will move on. Et nous continuerons. To the next level. À la prochaine dimension. In fact, I want to read the book of Mark. En fait, je voudrais lire le livre de Marc. Mark chapter 5. Mark 5. Hallelujah. Verse 17, precious people. Verset 17, bien-aimé. He says, one day he was teaching. Un jour, il enseignait. Pharisees and teachers of the law who had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem were sitting there. Hallelujah. Amen. I'll give it to you, the translator. Mark, please. Read with me. Precious. Thank you so much. Mark chapter 5, we'll get there also. Read Luke chapter 5, verse 17. Commençons par Luke 5, verset 17. And I know that many people may be hurting. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. There is somebody here, the Lord is going to heal your eyes today. Il y a quelqu'un ici que le Seigneur va guérir tes yeux. I have seen your eyes healed. J'ai vu tes yeux guéris. But not only him, all of you can be healed, everyone that is ailing. Pas seulement lui, mais tous ceux qui ont des problèmes de santé seront guéris. But let us read Luke and then we'll go to the issue, the woman with the issue of blood in Mark chapter 5 also. Nous allons d'abord Luc et puis après nous lirons la femme avec le problème de sa perte de sang. Even women, if you are going through an issue of blood, I just found out a lot of women go through that. Même vous les femmes, si vous avez des problèmes de perte de sang, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème. Until the Lord started healing them, I did not know that a lot of women were going through this very secret and quiet disease. Et jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à les guérir, je ne savais pas que beaucoup de femmes souffraient de cette terrible maladie. Those of you who are coming, just walking slowly, this has begun. Pour ceux qui arrivent, marchez calmement car le service a déjà commencé. Luke chapter 5, translator, please, verse 17. Luke chapitre 5, verset 17. He says, one day, as he was teaching, Pharisees and teachers of law, who had come from every village of Galilee and from Judea and Jerusalem, were sitting there. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. And the power of the Lord was present for him to heal the sick. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Some men came carrying a paralytic on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Hallelujah. Don't delay them, please. Let them enter. Ne les retardez pas. Laissez-les entrer, s'il vous plaît. There are many chairs even in front here. Il y a plusieurs chaises même ici au devant. The front seat here. Les chaises ici devant. And let us continue, precious people. Et si on peut continuer, bien aimé. Verse 18. Some men came carrying a paralytic on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. When they could not find a way to do so, to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd, right in front of Jesus. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. When Jesus saw their faith, he said, "Friends, your sins are forgiven." Voyant leur foi, Jésus dit, "Homme, tes péchés sont pardonnés." The Pharisees and the teachers of law began thinking to themselves, "Who is this fellow who speaks blasphemy? Who can forgive sins but God himself?" Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et dire, "Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul?" Verse 22. Verset 22. Jesus knew what they were thinking and he asked, "Why are you thinking these things in your hearts?" Jésus connaissait leurs pensées et prit la parole leur dit, "Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs?" "Which is easier to say, your sins are forgiven, or to say, get up and walk?" Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? "But that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins," he said to the paralyzed man, "I tell you, get up, take your mat, and go home." Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Immediately he stood up in front of them, took what he had been lying on, and went home praising God Almighty. Et à l'instant il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. And everybody praised God. Et tout le monde glorifiait Dieu. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. In Mark chapter 5. Dans Marc chapitre 5. Is the woman with the issue of blood. C'est la femme à la perte de sang. And that woman. Et cette femme. Had suffered a secret disease. A souffert d'une maladie secrète. In the ancient Jewish setting. Dans les vieux mentalités juives, even in the Bible until today, et même jusqu'aujourd'hui dans les coutumes, when a woman is in flow, lorsque une femme a ses règles, she is considered unclean before the Lord. Elle est considérée impure devant le Seigneur. And when a woman, et lorsqu'une femme, begins to discharge, commence en cette église, even more than her days, mais plus que ses jours. She is considered unclean for all that time. Elle est considérée impure pendant tout ce temps. And the Bible says whatever she touches would be considered unclean. Et la Bible dit tout ce qu'elle touche devient impur. The Bible also says, la Bible dit aussi, if a man sat where she had sat, he would also be declared unclean. Si un homme se met là où elle s'était assise, cet homme sera aussi déclaré impur. So they always hid themselves away. Alors ces femmes devaient toujours se cacher. And Jesus says, "Don't eat blood. Blood is life. You know, from an animal, you are not allowed to eat blood." C'est pour ça que Jésus dit, ne mangez pas le sang, car le sang se est la vie. Dans le sang de l'animal se trouve la vie. And so, to have a woman losing blood, she was losing life. Une femme qui avait une perte de sang, c'est une femme qui perdait la vie. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. She suffered for 12 years. Elle a souffert pendant 12 années. And spent all she had with the doctors in many types of clinics. Elle a tout dépensé avec les docteurs allant dans toutes sortes d'hôpitaux. But the Bible says. Mais la Bible dit. That when she heard about Jesus. Lorsqu'elle a entendu parler de Jésus. Hallelujah. When she heard about Jesus, lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, she said to herself, elle s'est dit, She didn't say to somebody, to herself she said. Elle n'a pas dit à quelqu'un d'autre, elle s'est dit à elle-même. If I can just touch the hem of his garment. Si je peux tout juste toucher le bord de son vêtement. I know that I am not clean enough to face him. Je sais que je ne suis pas assez pur pour lui faire face. I am not clean by all standards. Je ne suis pas pur selon tous les standards. I cannot come in front of him and face him. Je ne peux pas venir devant lui et faire face. But if I can go behind him. Mais si je peux aller derrière lui. And just touch the hem of his garment. Et toucher juste le bord de son vêtement. I will never be the same again. Je ne serai plus jamais la même. So this woman. Alors cette femme. She came behind him. Est venue derrière lui. And touched the hem of the garment of the Lord. A touché le bord du vêtement du Seigneur. And she felt in her body. Elle a senti dans son corps. That she had been made well. Qu'elle était guérie. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. If you will be able. Si vous êtes capable. To touch the hem of his garment. Le bord de son vêtement. It doesn't matter what you have gone through. Cela importe peu ce que vous avez expérimenté. He is going to set you free today. Il vous affranchira aujourd'hui. Even your children. Même vos enfants. Your babies. Vos bébés. Even those in alcoholism. Et même ceux qui sont dans l'alcoolisme. I know in such countries pornography binds people also. Je sais que dans des pays comme celui-ci, la pornographie lie les gens. Those who are suicidal. Ceux qui sont seuls. Those that feel they have some generational curses following them, binding them, retaining them. Ceux qui sentent qu'ils ont des malédictions générationnelles qui les gardent, qui les lient. I declare in the name of the Lord. Je déclare au nom du Seigneur. That it will end here today. Ça va s'arrêter ici aujourd'hui. Everybody stand up on your feet. Que tout le monde se lève. And let us worship the Lord. Even those whose legs are not well, stand up on your feet. Même ceux qui ont des problèmes de jambes, s'il vous plaît, levez-vous sur vos jambes. Don't worry, everybody stand up on your feet. Ne vous inquiétez pas. Put down your Bibles, let us worship the Lord. Mettez à côté vos Bibles. Nous allons adorer le Seigneur. With the Lord. Je vais parler avec le Seigneur. But we are beginning the mighty service. Nous commençons un service puissant. It is a blessing to be in the presence of the Lord. C'est une bénédiction d'être la présence du Seigneur. The worship song I was praying there. And then you sang it. La chanson que je jouais, la chanson. Thank you. You sang it when I was there. You know it. It's in French. C'est en français. Vous connaissez la chanson. Don't translate it. N'interprétez pas cette fois-ci. Don't bring the chorus from the choir, but they can join in the chorus bit by bit as they follow. Please take it away. Jésus. Seigneur, je veux la aider. Oh, brise-moi. Ouvre-moi. Donne-moi la forme qui te plaît. Father, in the name of Jesus, thank you for loving these people. Precious Holy Spirit, thank you. Thank you for loving these people. Merci pour ton amour, mon Seigneur. It doesn't matter where the pain has been. Cela importe peu où se trouve la douleur. It is going to disappear here. Ça va disparaître ici. And right now. Et en ce moment. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I am going to ask the Holy Spirit to visit this place. Je veux demander au Saint-Esprit de visiter cet endroit. Women with children, watch out. Les femmes avec les enfants, faites attention. Mighty Father, Father, you are the God of Elijah and Moses, the Holy One of Israel. Father, you are my best friend, and I have no other friend except you, Jehovah. Father, now I ask you to release your Holy Spirit to visit this place in a mighty way, Jehovah. Precious Holy Spirit, the Holy One of Israel, I now welcome you to visit this mighty place. Everybody lift up your hands, precious people. And close your eyes. Et fermez les yeux, s'il vous plaît. Don't fear it well. N'ayez pas peur. Precious Holy Spirit. My best friend, I love you, the God of Elijah and Moses, the Father of all creation. Now I welcome you here, Holy Spirit, to pass from here and touch in the name of Jesus. Everybody continue lifting up your hands. Continue à garder les mains levées. I want to begin with the one whose eye is healed. Je voudrais commencer avec celui qui a recouvert la vue. The man that I told, remove your glasses. L'homme à qui j'ai dit d'enlever les lunettes. I see you up there. Je te vois là-bas. I want you now to come forward and tell me things about you. Je voudrais que tu viennes et que tu me dises, me parler des choses qui te concernent. Because the Lord spoke with me about you in a dream. Car le Seigneur m'a parlé de toi dans un rêve. Be careful, there are children there. Fais attention à des enfants là-bas. Everybody just continue in prayer. Pendant ce temps, tout le monde continue de prier. Hallelujah. Hallelujah. Where are the glasses, first of all? Où sont les lunettes? Yes, these are very thick lenses, right? Ça, ce sont des lunettes très épaisses, n'est-ce pas? Tell me in your life. Dites-moi dans vos vies. What couldn't you see, or how far couldn't you see now in the name of Jesus? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas voir et qu'est-ce que jusqu'où tu ne pouvais pas voir? For a very long time. I'm saying, what couldn't you see? Because these people want to know if the Lord has touched you. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas voir avant? I can see, but I can't read very well without glasses. You could not read without glasses. Tu ne pouvais pas lire sans lunettes. But now, in the name of Jesus, I'm declaring that you'll read without glasses. Yes, please. Do you believe? I do. Okay, I want you to take a Bible and read. Je voudrais prendre cette Bible que vous lisez. Read it before these people. Take a microphone and read loud. Prenez le micro et lisez. Hold the microphone yourself. Tenez le micro. I can't see actually. I can't read anything. You cannot read anything. Step down here. Turn to me. Tournez vers moi. Father, in the name of Jesus, I declare these eyes healed today. Everybody lift up your hands in prayer. Que tout le monde lève les mains en prière. Father, you showed me this man. Seigneur, tu m'as montré cet homme. And he read very well. Et il a bien entendu. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Because he has caught your attention. Car il a attiré ton attention. Lord, heal these eyes today. Seigneur, guéris ses yeux aujourd'hui. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Start from looking there. Commence à regarder par là. What couldn't you see in your life? Talk to people, they are listening here. Les gens t'écoutent, qu'est-ce que tu ne fais pas voir? I can read, I can see the time. You cannot see or you can see? I can see the time. No, but before, we want to know, we want, and then we are going back to the Bible to read. What couldn't you see? I couldn't see better. I couldn't see better. Je ne pouvais pas bien voir avant. You couldn't see what? Letters, figures, and whatever. Les lettres, I can't see figures, letters, or scripts, and whatever. Je ne pouvais pas lire ça avant. Before then, what couldn't you see? I can't see so many things like reading letters, reading figures, reading anything. Do you know that you've caught the attention of God Almighty? Yes, I do. Are you happy that he is healing you today? Yes, please. Could you see the clock without glasses? Not before. Excuse me, say it loud, they want to hear. Could you see the clock there without glasses? No. And now? I can. What time is it? 5 after 12. Hallelujah! No, but not yet. He has to read the Bible. Because the Lord spoke with me. I don't know why him. In a dream at night. Mais le Seigneur m'a parlé de lui dans un rêve. And the Lord was very upset with him because he could not put for me the worship that I was looking for him. Et le Seigneur était très fâché contre lui parce qu'il ne pouvait pas trouver l'adoration pour moi. I will not describe what the Lord was saying. Je ne vais pas décrire ce que le Seigneur me disait. And then the Lord asked me to depend on these precious worshippers here. Et le Seigneur m'a demandé de dépendre de ces précieux adorateurs. But at that time when he was struggling with the worship I was asking for, pendant qu'il se battait pour l'adoration que je demandais, the Lord was healing his eye, this one's eyes. Le Seigneur guérissait les yeux de ce frère. What time is it? 7 after 12. He says he could not see them. Il dit qu'il ne fait pas voir ça avant. But he has to read the Bible. Mais il doit lire la Bible. Even you, the Lord spoke to me about you. I've been waiting for you since I was sitting there. Et même vous aussi, le Seigneur m'a parlé de vous. Je vous attendais. You are his deliverance. Toi, c'est la délivrance. He has set you free today. Il t'a libéré aujourd'hui. I thought you were going to sit there. J'ai pensé que tu allais te mettre là-bas. Because I knew how you would dress. Car je savais comment tu serais habillé. But finally you came and sat here. But listen to me. I want you to talk to these people aloud. Stand up on the altar here. Monte ici. Before then, mention many things you couldn't do, and then we want you to do them now. les choses que tu ne pouvais pas faire avant et que tu es capable de faire maintenant. I couldn't read. Avant, je ne pouvais pas lire. I have a problem reading, Father. J'ai un problème. Without the glasses, sans lunettes, it's impossible for me to read at all. C'est difficile pour moi de lire. I have two glasses. J'ai deux paires de lunettes. Very thick glasses. Des glaces très épaisses. Tell them, what couldn't you see, how far? You know, I like when people tell me I could not see beyond there and so on. Because in that dream, do you want me to tell you what the Lord was saying? Est-ce que vous voulez que je vous dise ce que le Seigneur me disait? In that dream, the Lord started improving his reading. Le Seigneur a amélioré sa lecture. And I was asking him to read and the eyes were improving by the minute. Et je le demandais de lire et la vision s'améliorait par minute. Can you read what is on the wall there? Pouvez-vous lire ce qui est écrit sur le mur là-bas? Very loud, say. Let's go down. Somebody clap to Jesus. Hallelujah. Why him? I don't know. Pourquoi lui, je ne sais pas. Why him, I don't know. Pourquoi lui, je ne sais pas. But he spoke with me about him. Mais il m'a parlé. And this woman sitting near the pastor here. Et cette femme qui est à côté du pasteur ici. There is something he is delivering you from right now as I speak. Dont il te délivre maintenant pendant que je parle. But in that dream, the Holy Spirit touched you and you rolled around many times. Et dans ce rêve, le Saint-Esprit t'a touché et tu as roulé pendant plusieurs fois. In the spirit, I can see what is happening. Dans l'esprit, je peux voir ce qui arrive. Listen to me. Écoutez-moi. Can you read what is written up there? Very, very loud, est-ce like a man. Lire ce qui est like là-bas? A man who wants to glorify Jesus. Comme un homme qui veut glorifier Jésus. Let's build our future together. Somebody clap to Jesus. Somebody clap to Jesus. Applaudissons pour Jésus. It is not yet over with him. Ce n'est pas encore fini avec lui. Can you move a little bit? I want him to read now the lower one. Je voudrais qu'il puisse lire ce qui est écrit en bas. Very loud, like somebody God loved and spoke about. Look, there are so many. Look here. Regarde. There are so many people, but he chose you. Il y a plusieurs personnes, mais il t'a choisi toi. He chose you to speak to me about you. Il t'a choisi que je puisse parler de toi. I don't know, but it seems you are very special to the Lord. Je sais pas, mais il semble que tu es spécial pour le Seigneur. Your faith has touched God Almighty, the Father of Christ, the Messiah. Ta foi a touché le Dieu Tout-Puissant, le Père du Christ, le Messie. Your faith, and in fact, in that dream, I was challenging him. Et dans no, ce... don't read like that. Read again. Read. I was giving him smaller letters to read. Et dans le rêve, je le défiais. Je dis, lis. And he was reading. Et il lisait, and there was joy unspeakable in the church. Et il y avait une joie inexprimable dans l'église. I see things before they happen. Je vois des choses avant qu'elles arrivent. The kingdom of God is yours. Le royaume de Dieu t'appartient. Thank you, God. I want you to know. Je voudrais que vous sachiez that he has done this that many people may return to Jesus. Il a fait ceci afin que plusieurs retournent à Jésus. There is something special about your life, why God chose you. Il y a une chose spéciale pourquoi Jésus t'a choisi. Thank you, God. And I know that there are many people suffering here. He wants to heal them, but he wants them to build their faith through what he has done with you right now. Et l'Éternel voudrait bâtir la foi de plusieurs au travers de toi. Now read down there, it's in French, but let's see if you can read. Do you know French? Not very much. Just read what you can see down there. Si vous pouvez juste lire, vous pouvez voir. There is some natural problem. Hallelujah! Somebody clap to Jesus. Applaudissons pour Jésus. Listen to me. I know that Canada is still struggling. Je sais que Canada est encore en train de se battre. The Lord was rebuking him. L'Éternel le réprimandait. Because when the Lord brings me to the altar, he wants a specific worship he has shown me in the night. Quand le Seigneur m'amène à l'hôtel, il veut une adoration qu'il m'a montrée la nuit. And he was struggling with worship, and someone there was saying, "Oh, virus, what?" I was hearing something about virus. Is there any virus situation? Et il y a quelqu'un qui parlait d'un virus. Est-ce qu'il y a un problème de virus? And they were trying to insert the computer. And we tried to put in a computer. That's true. That is true. I know. It is true. Yes, we tried to do that. We tried to put in a computer, to download in a computer, but it wouldn't go. Hallelujah. Hallelujah. Listen to this. Écoutez ceci. And the issue is, le problème est, you began better than Kenya. Vous avez commencé mieux que le Kenya. Kenya did not begin here. Le Kenya n'a pas commencé comme ça. Kenya did not begin where you have started today. Kenya n'a pas commencé là où vous avez commencé aujourd'hui. Kenya did not start like this. They suffered, they threw it, they struggled until slowly the Holy Spirit built his way. Le Kenya souffert, ils se sont battus, ils ont souffert jusqu'à ce que le Seigneur a fait sa voie. I have seen a very big ship. J'ai vu un très gros bateau. I have seen a big ship. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah! Revival. Le réveil. The Canadian revival. Le réveil canadien. The revival in Canada, le réveil au Canada, will be so massive, sera tellement massif, that when ears hear, lorsque les oreilles entendront, they will tickle, et ils vont trembler. This is very big. Ceci est tellement grand. Kenya, he did not begin like this. Au Kenya, ça n'a pas commencé comme ça. Why he led me? Pourquoi il m'a conduit? To open, I just opened randomly. Par hasard. I have many scriptures on healing that I read in the meetings. Il y a plusieurs écritures de guérison que je lis. But when I went, I was looking for the Mark 5, the woman with the issue of blood. Je cherchais Mark 5. But I ran into the two blind men. J'ai lu plutôt les deux aveugles. Then I said, let's just take it on. I can see the man the Lord was talking about is there. J'ai dit alors, allons-y, puisque je voyais l'homme de qui le Seigneur parlait. Now we need to move the next level. Maintenant, nous devons aller à la prochaine, au prochain niveau. Can you read what is written on this drum? Don't move there. Est-ce que vous pouvez lire ce qui est écrit sur ce drum? What is written on the drum there? Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Read very loud as somebody who wants to glorify the Messiah. Lisez très fort comme quelqu'un qui veut glorifier le Messie. It's so bright that I can see it. Forum series. Hallelujah. We want to get to the Bible. Nous devons aller à la Bible. I never let people to touch me. Je n'ai jamais permis les gens me toucher. But look, I am holding you. Mais voyez, je vous tiens. The Lord bless you. L'Éternel te bénit. The anointing of the Lord is going to reside on you. L'onction de l'Éternel va demeurer sur toi. I don't know you, but the Lord knows you are very special to the Lord. Je te connais pas, mais le Seigneur te connaît. Tu es très spécial pour le Seigneur. We need to move to the next level of reading. Nous devons aller à la prochaine étape de la lecture. But again, wherever you are, partout vous êtes, if you came with pain, look for that pain right now as I do this. Si vous êtes venu ici avec des douleurs, regardez, checkez. The Jesus of Nazareth that opened his eyes. Le Jésus de Nazareth qui a ouvert ses yeux. And spoke to me about him. Et qui m'a parlé de lui. And her. Et d'elle. Why these two, I don't know. Pourquoi ces deux-là, je ne sais pas. One day he will be able to explain to me everything. Peut-être un jour il m'expliquera toute chose. Can you walk here? Pouvez-vous venir ici? What was it? Qu'est-ce que c'était? Nothing. Rien. There is something he has delivered you from mightily. Il y a quelque chose dont il vient te délivrer puissamment. I thought you were going to sit there. J'ai pensé que tu allais te mettre là-bas. You cannot walk with sticks today. Vous pouvez pas marcher avec une canne aujourd'hui. But don't walk. Now just walk to me. Walk to me in the name of Jesus. Marche au nom de Jésus. Walk to me in the name of Jesus. Marche vers moi au nom de Jésus. The pain is going to disappear today. La douleur va disparaître aujourd'hui. Don't worry, he loves you. He loves all ages. Il vous aime, il aime tous les âges. Passez par là. There is something he has delivered you from. You remember, I can see in the spirit. Il vient de vous délivrer de quelque chose. Je peux voir ça dans l'esprit. You may not share it. Vous pouvez pas le partager. But that's what the Lord has done. C'est ce que le Seigneur a fait. You have also come. Okay, then we have people that need to be prayed for. Nous avons des gens qui ont besoin qu'on puisse prier pour eux. I don't know what it is. Je ne sais pas ce qu'il en est de vous, ma sœur. But of all the people here, de tout le monde ici, this man, cet homme, and you, et vous, you caught the attention of the Most High God. Vous avez attiré l'attention du Dieu très haut. What is it that you were asking the Lord to do for you? Qu'est-ce que tu demandais au Seigneur de faire pour toi? You have kids. Do you have kids? Not yet. For how long? Pendant combien de temps? 4 ans. 4 years. He has opened her womb. Elle a ouvert son ventre. The Lord has opened her womb. L'Éternel vient d'ouvrir son ventre. I did not know what she was suffering from. Je ne savais pas de quoi elle souffrait. But I said, I have seen the Lord heal you. J'ai vu le Seigneur te guérir. I did not know. Je ne savais pas. He has opened you. Il vient d'ouvrir, il vient de libérer. I did not know. Je ne savais pas. That's why when you told me no, you are well. Alors c'est là quand tu m'as dit que ça allait bien. I said, but how can God lie? Je me suis dit, comment Dieu peut mentir? Her womb has been opened today. Son ventre vient d'être ouvert maintenant. You dedicate the babies to Jesus. Tu vas dédier ce bébé à Jésus. Listen to me. Is your husband here? Est-ce que ton mari est ici? The Lord heard the cry of this woman. Le Seigneur a entendu les pleurs de cette femme. 4 years without a baby is very painful for a woman. 4 années sans bébé, c'est difficile pour une femme. The man will say, I want to get another one. L'homme va dire, je vais épouser une autre femme. God has never lied. Dieu n'a jamais menti. He told me about you. Il m'a parlé de vous. You and him. Vous et lui. And you said you are well. Et vous m'avez dit que ça, vous alliez bien. I said, how come you are well and the Lord is telling me you are not well? He has healed you now. Comment vous dites que vous êtes bien alors que le Seigneur me dit qu'il y a un problème? He has delivered you today. Il vous a délivré aujourd'hui. Are you born again? Êtes-vous né de nouveau? Do you walk with Jesus right? Est-ce que vous marchez correctement avec Jésus? Yes. Listen to me. Écoutez-moi. What would you tell Jesus for what he has said here? Que direz-vous à Jésus pour ce qu'il a dit ici? My womb is open. She said, my womb is open. Elle a dit, mon ventre est ouvert. Listen to this. Écoutez ceci. What I want to say is this. Ce que je veux dire, c'est ceci. He loved you. Il t'a aimé. And I saw him heal you in the night. Je l'ai vu vous guérir la nuit. I sat there praying for the sick people. Je me suis mis là à commencer à prier pour les malades. And I was thinking you are going to sit opposite me here. Et j'ai pensé que vous allez vous mettre à côté opposé là. You had not arrived. Vous n'étiez pas encore arrivé. But he told me how you were going to dress. Mais il m'a dit comment vous seriez habillé. You are reason enough. Vous avez assez réfléchi. For this service to have been held. Pour que ce service ait lieu. Honor God with your life. Honorez Dieu dans votre vie. Even if you were to just come and open your womb alone, that would be reason enough for this service to have been held. Même pour vous seulement d'avoir des enfants, c'est la raison de ce service. The pastor normally sits here. Les pasteurs généralement se mettent là. Come and give testimony. Venez témoigner. On that material day, à ce jour de la, vous aurez la chose matérialisée. For the glory of the Messiah, pour la gloire du Messie. Hallelujah. Let me pray for her. Everybody, lift up your hands right now. Levons tous les mains. Father, in the name of Jesus. Père au nom de Jésus. I cancel any miscarriages. I cancel any fears of losing the baby. And Lord, I declare that this womb is open and stable and glorious before the Lord. That out of this womb would come forth a servant of God. Lord, we don't know when you come for the church. But even in the womb, this baby will be baptized with the Holy Spirit. Lord, thank you for restoring joy into the heart of this woman. In the name of Jesus. Amen. Let us clap Jesus. Mama. Mama. A lot of pain. Beaucoup de douleur. With the stick. Avec la canne. And the neck. Au cou et aux épaules. Mama, what can't you do? Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire avant? I fall. Is someone with her? Is there somebody that knows her? Yes. Thank you so much. Merci beaucoup. The knee. Arthritis or what? C'est l'arthrite. What is it with mama? C'est quoi le problème avec mama? Elle a des douleurs au genou, ça fait presque mal. She has pain in her knee. It's been for 2 years now. Pain in the knee. What can't you do? Qu'est-ce qu'elle ne pouvait pas faire avant? She cannot walk without a cane, a stick. And the pain on the shoulder as well. Now listen. Maintenant écoutez. She cannot walk without a cane or a stick. Yes, elle ne peut pas marcher sans un bâton. Oui, elle était tombée à cause de ça. And she fell because of that. She fell. Yes. Okay, let us lift up our hands and love this precious daughter of the Lord. Si on peut élever nos mains pour cette précieuse de l'Éternel. Mama, do you believe that Jesus is going to heal you today? Mama, est-ce que tu crois que Jésus va te guérir aujourd'hui? Oui. Yes. She said yes. Yes. That is it. Move forward. Avance ici. Approche. Move forward. Approche, ma'am. Stay there, Mama. Arrête là. Everybody, let us pray for the precious daughter of the Lord. Nous allons prier pour cette précieuse fille de l'Éternel. And she says she still has itching. Elle dit qu'elle a encore les démangeaisons. So the Lord is going to set her free today. L'Éternel va la délivrer aujourd'hui. He must take away disease and pain. Il doit ôter les maladies et les douleurs. For the sake of his testimony. À cause de son témoignage. Mama, do you believe that Jesus heals? Are you born again? Est-ce que tu es né de nouveau? Yes. Yes, I'm born again. He is going to heal you now. Il va te guérir maintenant. Oui. Amen. Thank you so much. Lift up your hands, Mama. Lève tes mains, Mama. Very high to the Lord. Vraiment très très haut pour le Seigneur. No, don't start that yet. Ne commence pas encore. Close your eyes. Ferme les yeux. Everybody, let us pray for the precious daughter of Jehovah. Si on peut tous prier pour la précieuse fille de Jehovah. Father, in the name of Jesus. Everybody, let us pray for Mama. Si tout le monde peut prier pour Mama ici. Father, in the name of Jesus. Lord, I ask you to restore her knee. Restore every bit of her fiber. And restore her completely, Jehovah. And heal the knee and the shoulder. And I command pain to leave your body in the name of Jesus. Father, in the precious and most holy name of Jesus, allow this woman to at this age, Jehovah, she can serve you and love you and bless you for all the days of her life. Use this woman for the glory of Jesus. Jehovah, take glory here today. Heal her knee. Heal the shoulder. And there will be no more falling in the name of Jesus. Amen. Mama, I want to start with you. Je voudrais commencer avec toi. Everybody now, remove this microphone here. Si on peut enlever le micro là, s'il vous plaît. Don't walk yet. Can you clear a little bit, precious people? I'll come to each one. We are not dégager un peu? Time is running, but I'll come to every person before we finish with the service. Je serai avec chaque personne avant de terminer le service. Kenya begin worship one day, full day. Le Kenya a commencé par adorer pendant toute une pleine journée. And you worship for a few minutes and the Lord is doing things. Vous avez adoré seulement pour quelques minutes, le Seigneur fait des choses. This is hard ground, he is still digging. C'est une terre solide qu'il est en train de creuser. But how quickly? Mais comme, à quelle vitesse? Mama, walk there to the microphone and come back to me. Tambola tiawa e bongoso. Walk now without a cane. Hallelujah. Come back to me. Zonga sigoyo. Come back to me. Zonga. Mama, kokomo, the Lord has loved you. Zamba lingio mingi. Do you love Jesus? Esko linginza Yesu. Ndi mie. I love him. Okay, now turn this way. Baloka boy. That way. Walk much rapido, much faster now. Tambola mwambangu muke. Much faster. Mwambangu. And come back to me. Zonga lisusu. Much faster. Tambola mwambangu. Because you are going to run soon. Kala mingi te oki mwambangu. Come here, mama. Amen. Where has the pain gone to? Est-ce que parce que zali kaka? It's living. Let us clap to the Messiah. God bless you for the mercy. The Lord is going to use you. L'Éternel va t'utiliser. He's going to use you mightily to bring healing in this church. Pour amener la guérison dans cette église. Always worship him. Adore-le continuellement. I don't know why he made things not work there. He talked to me. Then I said he can do with you. Et il m'a parlé et il m'a dit qu'il peut le faire avec toi. There is revival coming to this church. Il y a un réveil qui vient dans cette église. Do you see that man of God there? Tu vois cet homme de Dieu là-bas? There is a tremendous anointing coming over him. Il y a une onction particulière qui vient sur lui. And many things will happen here. Et beaucoup de choses vont arriver ici. But please, mais s'il vous plaît, always worship the Holy Spirit. Adore toujours le Saint-Esprit. You lead, tu conduis, and then he will come and do great works here. Et il viendra faire des grandes œuvres ici. Those who are in pain will be set free. Ceux qui sont dans la souffrance seront libérés. For 2 years in pain, they will say, I feel pain is now leaving. Ils auront des douleurs de 2 ans, mais ils vont sentir la douleur quitter. Let us clap for Jesus. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. Look, she's doing this. Regardez, elle est en train de bouger. She's searching for pain. Elle est en train de se tirer, elle cherche la douleur. Mama, walk faster there. Koko moi, tambola mbango. Almost running. Kima mwambango. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Mama, koko moi, bring the can. Yakana nzeto za lakina. I want that can here. Don't give up. Bobo kangote. The doctor said you might walk with it forever. Docteur a le bien autant mon anango libella? Non. I take it away in the name of Jesus. Je l'enlève au nom de Jésus. She's saying the doctor, she no longer wants it. You said you don't want it. Olinga ko tsutute. Where is somebody clap to Jesus? Come, my daughter. Yeah, come on. Climb up here. Mata up. He has healed you. He has healed you. Abikisio. There is no more pain. Passez à l'issue. Never again will you walk with 3 legs. You have 2 legs given to you by Jesus. And the devil is a liar. He said you are too old, you have to use 3 legs. But today you are very young in the name of the Lord. The Lord bless you. Listen. What would you like to tell Jesus? What would you want to tell Jesus? I'm happy the way he healed me. The Lord, she's doing like this. She's stretching her hand. No, we need to come to you. My daughter, you have been set free. My fille, vous avez été libérée. I wondered why you and you are saying you are well. Pourquoi vous et vous avez dit que vous étiez bien? You cannot hide. That is the purpose of the latter anointing of God. C'est ça le but de la dernière onction de Dieu. You will not be able to hide anything from God anymore. Vous ne serez plus capable de cacher quoi que ce soit à Dieu. At times, women fear to say that, look, I cannot have babies. Je voyais la femme qui dit, je ne peux pas avoir des bébés. But the reason he talks to me about it, that I may pray for you, that he may heal you and quicken the faith of all these people to Jesus. Et il m'a raison qu'il a fait qu'il me parlait afin de fortifier la foi de tout ce monde pour Jésus. Even if you continue to say you were well, I knew you were not well. Bien que vous continuez de dire que vous étiez bien, je savais que quelque chose n'allait pas. But now he has made you whole. Mais maintenant il vous a guéri. And he said your womb will be glorious. Il a dit que votre matrice sera glorieuse. And I asked him to baptize the baby with the Holy Spirit in the womb. Je lui ai demandé de bénir le bébé dans le ventre avec le Saint-Esprit. And you will never have fears. Et vous n'aurez plus de peur. That oh, I might lose the baby or miscarriage. Que je pourrais avoir des fausses couches ou quoi que ce soit. I have sealed it with the blood of Jesus. J'ai scellé cela avec le sang de Jésus. Salvation is coming to your home. Le salut est entré dans votre maison. I know the back. Was it the back? C'est le dos qui fait mal. The back. C'est There le dos. Are things you could not do, right? Il y a des choses que tu ne peux pas faire, n'est-ce pas? You will be able to do them here. No surgery. No surgery will touch you, right? Aucune opération n'aura lieu sur No back surgery because it makes people go to wheelchair. Les opérations de dos conduisent des gens à chaises roulantes. You will not go there and you will not be in wheelchair. Tu ne iras pas là-bas et tu n'auras pas de chaise roulante. Whether it's spinal cord injury, it is ending here today. Que ce soit des problèmes de moelle épinière, ça Thank you, my son. Merci. But right away. Viens maintenant, mon frère. We may not have much time. What was the touch in the back there? C'était quoi la touche dans le dos? J'avais un problème juste en bas du dos. I have a problem in the lower back. Et cela a commencé ça fait maintenant 3 semaines. It's been 3 weeks now. What can't you do then? What have I classify for us? What couldn't you do? Qu'est-ce que tu veux pas faire avant? Parfois quand j'essayais de me courber. When I tried to lean forward to bow down. J'avais certaines douleurs. I had some pain. Mais quand vous avez commencé à prier. When you start praying. J'ai commencé à sentir que les douleurs ont commencé à partir. I start feeling the pain leaving. Why are you not clapping for Jesus Pourquoi in this church? Vous n'applaudissez pas pour Jésus dans cette église? Why is this church not clapping for Jesus? Pourquoi cette église n'applaudit pas pour Jésus? Every smallest thing Jesus does, toute chose aussi petite que Jésus puisse faire, is very critical in the kingdom of God. C'est vraiment important dans le royaume de Dieu. You don't know how much pain this son of God has gone through. Vous savez pas combien de douleurs cet homme de Dieu a souffert. I want you to come up here now. Je voudrais que vous veniez ici, s'il vous plaît. And he said, leaning forward, right? Yes. And lean forward, try to touch your shoes. Essaye de te pencher. Lean again forward. Pense encore. How do you feel, my son? Comment tu te sens? I feel good. Je me sens bien. Remember, souvenez-vous, it normally begins as a little back pain. Ça commence comme une petite douleur. And then they say, go for X-ray. Après, ils vont dire, va faire la radiologie. And then they say, okay, lumbar 2 or 3 have moved. Ils vont peut-être dire que les vertèbres 2 ou 3 sont déplacées. And then, hey, spinal cord is injured. Oh, la moelle épinière est endommagée. We have seen a lot of them healed in Kenya. On a vu beaucoup guéris au Kenya. But for you, thank God, you didn't have to get there. Et bien, gloire soit rendue à Dieu, tu n'as pas besoin d'aller jusque là. Can we clap to the Messiah? Est-ce qu'on peut applaudir pour le Messie? What would you like to tell Jesus today? Qu'est-ce que tu diras à Jésus aujourd'hui? Ce que je voudrais dire à Jésus, c'est que je l'aime et que je le remercie. And I thank him. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you my Merci. Son. Merci thank you so frère. Much. My daughter. Ma fille. Can you walk there? I want to know about the pain. Je voudrais savoir si vous êtes sous la douleur. Walk much faster. Marche un peu plus vite. People clap to Jesus. Bien-aimés, applaudissez pour Jésus. Why? Pourquoi? Are you standing for many hours today? Vous êtes debout pendant plusieurs heures. And also walking. Et marchant. Yet you used to, you could not manage at that time. You had a third leg. Et pendant ce, avant ça, vous aviez toujours besoin d'une canne avec une jambe qui fait, qui était fatiguée. What has happened to you today? Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Although I came late, I said to myself, today I will leave my cane. Why are you not clapping? Pourquoi vous n'applaudissez pas? Somebody clap to Jesus. Applaudissez pour Jésus. Why are you not clapping? Pourquoi vous n'applaudissez pas? This woman here. Cette femme. The type of faith she has. Le genre de foi qu'elle a. Can make a large number of people receive Jesus. Peut faire recevoir beaucoup de gens Jésus. That is the reason the Lord heals her. C'est pourquoi Dieu la guérit. That when she speaks to them about what Jesus has done. Lorsqu'elle parlera à ces gens de ce que Jésus a fait dans sa vie. Many will enter the kingdom of God. Plusieurs et beaucoup plusieurs entreront dans le royaume de Dieu. And she will have a, how many love Jesus here? Combien aiment Jésus ici? Let us just stand up and receive the Lord. Those who have not received him, or hallelujah. Listen to me. Écoutez-moi. We have been having meetings here, and some of you may not have come. Nous avons eu des réunions ici, et certains ne sont pas, n'étaient pas venus. And people revived their walk with Jesus. Et les gens ont renouvelé leur vœu avec Jésus. As I preached, they understood deeper and they repented almost on a daily basis. Et pendant que je prêchais, les gens ont compris, se sont repentis presque chaque jour. If you know that you are not well with the Lord, come. Si tu sais que tu ne marches pas bien avec le Seigneur, viens. Remember the biggest miracle. Savez que le plus grand miracle is that you can receive Jesus. Et que vous pouvez recevoir Jésus. That's the biggest of all miracles. C'est le plus grand de tous les miracles. The pastor here and the pastora. Le pasteur ici et l'équipe pastorale. They have been praying for you people this week so mightily. Ils ont prié pour vous très très puissamment. The pastor did not go home for almost 2 days. Le pasteur n'est pas rentré chez lui pendant au moins 2 jours. They have been praying for you people so mightily. We were shocked. Ils priaient beaucoup pour vous. Nous étions choqués. Even in Kenya, I did not see that. Même au Kenya, j'ai jamais vu ça. They camped here. Ils sont venus ici. Listen to me, precious people. Écoutez-moi, bien-aimés. This is a very important day. Ceci est un jour très important. It is such a blessing to be even in this place. C'est une telle bénédiction d'être en ce lieu. That at this place here. Que en ce lieu ici. That even the prayers that have been put here can reach God. Que les prières qui ont été élevées ici peuvent toucher Dieu. But the biggest miracle. Mais le plus grand miracle. Is that the people of Canada can go back to Jesus. Et que les gens du Canada peuvent rentrer à Jésus. He is going to heal you. Some of you, your eyes are going to be opening at home. Some of you, many times they go home and they say, I found out from home that I could read. Found out on the road that I was driving without glasses. It does not matter about healing. Cela importe peu, la guérison. Healing belongs to him. La guérison lui appartient à lui seul. But the decision to return to Jesus belongs to you. Mais la décision de retourner à Jésus vous appartient. If you were not here in those days, si vous n'étiez pas là les jours précédents, just come forward here and I pray for you before I terminate the service. Venez, je vais prier pour vous avant de conclure le service.